Le Tribride, que l'on retrouve également dans The Originals et actuellement dans Les Gay Seeds, avec Hope Michelson, joué par Daniel Rose Russell. Du coup, elle possède les pouvoirs des trois espèces, même si dans la série, on n'a toujours pas vu, enfin, dans le tout dernier, enfin, avant-dernier épisode de la série, on la voit se transformer en loup-garou, parce qu'elle a déclenché sa malédiction, parce que eux, ça se déclenche en tuant un humain, alors que moi, on est loup-garou. Voilà, elle déclenche la malédiction, mais après, voilà, c'est le seul moment où on la voit avec le pouvoir de loup-garou. Dans les Gay Seeds, peut-être qu'ils vont également développer le côté vampire, mais je trouve que on est beaucoup trop axé dans la saison 4 et 5 où on la voit. On est beaucoup trop axé sur son côté sorcière. Et du coup, on ne sait pas comment la tuer. À part quand le néant était en elle et qu'il pouvait la consumer au bout d'un moment, mais. Voilà, ils ont trouvé un moyen de l'enlever et puis c'est quelqu'un d'autre qui est mort à la place. Dans mes romans, on a trois types de personnes qui sont tribrides, voilà, mais qui pareil possèdent les pouvoirs des trois espèces. Ils peuvent se transformer en loup-garou sans douleur, vu qu'ils ont la sorcellerie pour. Leur morsure est fatale aux vampires. Quand ils sont énervés, ils ont les yeux qui deviennent gris. Et pour les tuer, donc pour la créature de Frankenstein, dont j'ai déjà parlé de sa version dans mes romans dans le truc de Frankenstein, mais pour le tuer, il faut le démembrer d'un ordre bien précis. D'abord les bras, les jambes, la tête, lui arracher le cœur, puis brûler tous les membres. Parce que vu que c'est une créature qui a été créée, montée de toutes pièces, et bah, il suffit de, entre guillemets, il suffit de le démonter pour le tuer. Bon, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Bien sûr, en fait, il fait des yeux du vampire pour hypnotiser, des crocs du loup-garou pour envenimer les vampires, et des mains du sorcier pour faire de la sorcellerie. Et tout le reste de son corps, c'est des morceaux de plein d'espèces surnaturelles, ce qui fait qu'il peut également se transformer en loup-garou sans douleur, mais bien sûr, c'est un loup-garou qui a l'image de son corps actuel et assez spécial. Ensuite, pour les autres hybrides, enfin les autres tribrides, pour les tuer, il faut commettre des massacres. En fait, il faut tuer un membre de chaque grande famille sur Terre. Des grandes familles qui, en fait, se sont instaurées dans les années 2000, dans mes romans, où, en fait, où ils ont pris le contrôle global de l'Europe et des États-Unis parce que l'autre Maximus, il est déjà aux États-Unis depuis un moment. Et en fait, il y a cinq grandes familles qui contrôlent toute cette région-là et qui se séparent le royaume et vivent en paix comme ça. Donc on a la famille Temple, la famille Stralk, la famille Meyers, la famille Chasseur, la famille Ozankel et les Redempteurs, en fait, qui sont en quatuor de tête, sont Dracula, Jack l'Éventreur, avec deux femmes, enfin une femme chacune que je leur ai imaginée, et tout le reste, c'est des sorcières, ou des quelques sorciers, mais plus rares, comme... Il y a même un vampire qui est le père de Dracula, mais ça, vous le verrez, enfin, vous devrez déjà l'avoir vu dans l'histoire de Dracula, dans ma version. Mais voilà, tout ce qu'on voit dans ce que je raconte sur Dracula font partie des Redempteurs. Et du coup, pour tuer un tribri, du coup, faut tuer un membre de chaque famille. Et ensuite, imbiber le cœur des cinq victimes, puis l'enfoncer dans le cœur du tribride. En sachant que si du coup il manque une famille, imaginons que la famille des Redempteurs a été totalement décimée, bah bien sûr, il faut faire ça sur les quatre familles qui restent. Ou à moins qu'une autre famille prenne le dessus. Donc, en exemple, on a déjà donné la créature de Frankenstein. Ensuite, on a Tyler et Talia Astral qui sont les originels de la famille, mais après, j'ai pas... Enfin, qui sont en même temps le premier et deuxième enfant de la famille, qui du coup sont nés avec les gènes de loup-garou et du sorcier, mais qui, pour eux, leur pouvoir de sorcier n'était pas assez puissant que Maximus et Layla, et du coup, ils n'ont pas gagné l'immortalité. Et du coup, ils ont obtenu les pouvoirs de vampire en même temps que les quatre autres. Et du coup, au lieu de perdre les pouvoirs précédents, ils ont vraiment tout gagné, devenant les plus puissants de la famille. Alors qu'à la base, ils étaient quasiment les plus faibles. Mais du coup, ils sont... Ce qui est quand même assez étonnant, c'est que vu qu'ils ont les pouvoirs les plus puissants de la planète, ils restent les personnages les plus humbles, les plus nobles de tous, quoi. C'est vraiment les personnages les plus cool, mais bon, après, faut pas aller leur faire la guerre, parce que du coup, ils sont ultra puissants. Et comme je disais, leur ancêtre, le tout premier sorcier, a engendré créé des planètes, mais qui sont des copies de la Terre. Et en fait, sur une de ces terres-là, ils vont rencontrer un quatuor de tribrides métamorphes qui sont en fait des tribrides métamorphes qui sont en fait des tribrides en fait qui sont nés sur Terre comme Tyler et Talia, mais en fait dans le futur les humains les ont capturés. En fait, on fait des expériences sur eux pour voir s'ils pouvaient de rajouter des pouvoirs sur des hybrides, des tribrides et tout ça. Et en fait, ces quatre-là sont les seuls à avoir survécu. Et du coup, après ça, ils vont faire un massacre, ils vont réussir à s'évader, faire un massacre d'où ils étaient, ils vont décider de quitter la planète en ayant quand même obtenu des pouvoirs de métamorphes. Et vu que la chef du groupe s'appelait Servan le Basilic, en fait, ils lui ont donné le pouvoir de se transformer en basilic. Et par exemple, il y en a un autre dans le groupe qui peut se transformer en griffon. Donc voilà, des créatures assez puissantes. Mais bon, pour les tuer, c'est toujours le même système. Sauf que vu que là, ils sont 4, et ben à chaque fois, ben, faut en tuer un de chaque pour en tuer un. Donc ça fait quand même 20 pertes dans l'équipe de héros pour tuer 4 méchants, quoi. Enfin, 20 morts sacrifiés pour les tuer. Après, dans le combat, on sait pas ce qui peut se passer. Ensuite, je voulais revenir sur le fait que, en parlant de métamorphes, en fait, pas mal de personnages ont des animaux, comme par exemple Florent Temple, il a deux chats qu'il a transformés en vampires, et qui, beaucoup plus tard, ils ont trouvé ce qu'il y a des pierres à vœux dans plusieurs endroits, enfin, en dehors de la Terre, mais qui vont finir plus tard sur la Terre, et ces animaux vont les trouver et pouvoir se métamorphoser. Et du coup, ils auront à base le côté vampire qu'ils avaient en tant qu'animal et le pouvoir de devenir humain. Donc, du coup, ils feront des sortes de vampires métamorphes, mais qui se tuent tout de même comme des vampires, mais seulement sous leur forme animale.